Shabana-bana. Ouais, Shabana, ouais. Pendant que tout le monde s'assied, on a une... S'assoit, comme tu veux. S'assoit, s'assied. S'assied, ouais. Non, mais parle dans ton micro, sinon ça va pas aller là. Alors, en plus, aujourd'hui, c'est une... C'est une... Quoi, il n'est pas allumé? Oh, eh bah ouais, vous m'embêtez. Tu me la feras pas deux fois, la blague, hein. Ouais. Aujourd'hui, c'est une occasion spéciale. On va devoir être très sérieux, parce qu'on a des gens sérieux face à nous. On a des gens qui savent faire... De l'équipe de Colloquium. Moi, j'aime bien le dire à la façon latine. Colloquium. Voilà. Ouais, parce qu'il y a la façon latine, ouais. Et il y a la façon française. Ouais. Et la façon de Douai. Ça va, colloquium. Ah, ça va. On est les mêmes profs de latin, je crois. Qui vont... Vous avez fait latin. Non, ah, j'en ai pas fait, surtout j'en ai pas fait. T'en as pas fait, toi? Non, j'en ai eu, c'était obligatoire, j'avais pas le choix. Eh bien. Donc, on va les présenter, mais juste après, un premier truc quand même, je voulais passer, bah, comme tout le monde, hein, comme à peu près toutes les émissions de radio de France, de Navarre, de Belgique, de Suisse et ailleurs, même des fois des pas francophones, qui ont fait leur petit hommage François G. Lazaro, bah moi aussi ça va être bon pour passer un petit titre de Pigalle. Ouais, je me posais des questions et puis finalement j'ai réécouté quelques petits trucs. Et puis j'avais pas envie de passer la bière. Ah ouais, garçon bouché. Donc je suis parti sur ou le Bartabat, non, donc je suis passé, jamais je suis parti existé, sur, en plus de ça. Je suis parti sur Pigalle. Mais la rue existe. Voilà. J'ai éliminé le Bartabat et puis je suis tombé sur Paris 2034, un des titres assez rigolos de l'album Rire et pleurer qui est sorti en, je sais même plus, 92-93. On était jeunes à l'époque et on ne le savait pas, on était totalement inconscient. Lui était déjà conscient, François, que ça allait forcément un jour ou l'autre mal se passer. Et puis donc c'est Paris 2034, 20e jour d'insurrection. Et c'est une histoire de révolution forcément qui tourne mal et puis à la fin on s'est tous butés, mais c'est normal ça, je veux dire, enfin à un moment faut qu'il y en ait qui se fassent crever la peau pour les autres, mais à la fin quand même il dit: mais la joie illuminait quand même les yeux attendant la mort, car l'espoir était revenu sur la ville. Un jour il y aura de nouvelles forces pour détruire le gris et l'étoile d'araignée tendue sur les toits de la ville. C'est pas mal comme épitaphe. Les punks ont perdu quand même un putain de poète, quoi. Ouais, mais oui, c'était un bon, et puis en plus c'était un instrumentiste de génie, il jouait de, je sais plus, 25 instruments, je crois. C'est ça, à peu près, ouais. Vous l'avez vu sur scène? Ouais, bien sûr. Il a un tourniquet avec tous ses instruments, en vrai, hein. Il tourne comme s'il y avait un porte-manteau là où je lisais sa veste. Un distributeur. Moi j'ai ça, mais pour le fromage. Et ben donc ce Paris 2034, ça fait que d'ici 11 ans on parlera encore de François G. Lazaro. Voici Paris 2034, 20e jour d'insurrection par Pigalle. L'insurrection avait maintenant 20 jours. On commençait à employer le terme de révolution. Pour l'instant, c'était la nuit sur la Seine. Les barricades du quartier des Halles semblaient dormir. Les insurgés rêvaient d'espoir. Ils rêvaient d'espoir. Le matin, les blindés venus de l'ouest avaient défoncé les défenses installées sur le quai de Javel. Paraît qu'ils ont tué la grande Jeanne, celle qui avait pris la mairie au tout premier jour des combats, avant qu'ils ne bombardent. Avait un idéal. L'insurrection avait touché la banlieue et l'on voyait des feux qui brûlaient de Vincennes jusqu'à Clichy. Un bébé était né sur le front d'Ivry. bande Serge a lâché la porte maillot au para. Mais la joie illuminait quand même les yeux, attendant la mort, car l'espoir était revenu sur la ville. Un jour, il y aura de nouvelles forces pour détruire le gris et l'étoile d'araignée tendue sur les toits de la ville qui s'étouffe sous le garrot des forces de la bêtise et de l'obscurité. Ça fonctionne. Bah oui, voilà, ça fonctionne. Ça fonctionne. Le violon, ça fonctionne. Les micros fonctionnent. Les casques fonctionnent. L'antipop. Et nos invités fonctionnent. Ouais. Oui, oui, qui sont-ils, ces invités? Alors, allez-y, parlez. Tilo, Tilo avec ta barbe. Ah, ah merde, c'est deux barbes. Ah, ouais. Moi, c'est Mathieu. Je fais partie de la team Colloquium, donc une chaîne d'interview qu'on a créée avec Shog pendant le premier confinement. Voilà. Tout à fait, c'est ça. Et moi, c'est Shog. Donc, et alors moi, je vais pas tout de suite répondre aux questions qu'on m'a pas posées. Si, tu peux. Si, carrément. Et ouais, bah ouais, ouais, au premier confinement, on était un peu comme tout le monde. Hein, C'est né de l'ennui, en fait. Un peu, ouais. Ouais. Ouais, même plutôt carrément, ouais. Et, ouais. Et puis bon, j'ai eu cette idée. On a dit d'où il venait. Parce qu'il y a un confinement à Lille, ouais. Et confinement... Ouais, c'est ça. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Vous êtes de Douai. Entre Douai et Cambrai. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, bon, ouais. Ça va. Ouais. Ouais, ouais. Mais je suis de Denain au départ. Hein. Ah, je suis encore pire. Ah, bah, ouais, là. Non. Pas très loin. Hein. Mais ouais, en effet, le confinement là-bas, ça devait être assez rigolo. Enfin, rigolo avec des guillemets, quoi. En fait, on a continué à répéter, on a un groupe ensemble, on a organisé quelques concerts pirates, hein, deux festivals et puis un concert pirate chez Shog. Et au fur et à mesure, il me disait pourquoi pas essayer de proposer, de donner la parole à des acteurs, actrices de la scène, voir un peu ce qu'ils ont à dire dans un format qui n'a pas forcément été vu à ce niveau-là en fait. Et on a commencé à en discuter et puis très vite ça s'est mis en place quoi. Et puis c'est comme ça que Colloquium est né. Alors, c'est quand même assez particulier pour les gens qui n'auraient pas encore testé de regarder et d'écouter Colloquium. C'est une atmosphère à la Thinkerview. Hein. Bah, c'est l'inspiration principale, voilà. On ne va pas se cacher. Bah, voilà. Ouais. Et, ouais. Donc, décor noir, enfin, il n'y a aucun décor, il y a juste un canapé dans lequel se trouve le ou les invités. Et ouais. Puis, l'intervieweur, c'est toi, ouais, je pense, c'est Mathieu, moi, ouais. Ouais, et ouais. Hors champ, et on le voit jamais. Et puis, des fois, en plus, il y a les autres acolytes qui en rajoutent, mais bon, c'est super dépouillé. Et en même temps, vous arrivez à tenir des 45 minutes, une heure et demie. Des fois avec, deux même. Ouais, ouais, moi, des fois deux. Moi, je trouve que vous arrivez quand même vachement à mettre les invités à nu. Et vous arrivez à les mettre bien à l'aise et à aller plus loin que ce que vous attendiez. Mais c'est l'idée en fait. Et généralement, des fois, même, je vois les débuts des interviews. Et quand je vois comment ça termine, je dis putain, mais ça a creusé de ouf en fait. Ouais, ouais. En fait, t'es un peu la Mireille Dumas du punk. Ah. C'était quoi déjà Vie ma vie là. Lévin Thomas. Thomas. Bah, c'est mon choix. J'aurais peut-être pas vu les choses comme ça quoi. Ouais, je dirais Mireille Dumas parce que justement, elle était plus dans ce côté un peu parole, psychologique, etc. Et a amené la personne à être très très à l'aise, son côté voyeur et beaucoup plus intimiste en fait. Mais les invités sont les premiers. Surprise justement du temps qu'on passe et du temps que dure l'interview, parce que c'est tout un colloquium, c'est tout un univers qu'on essaie de mettre en place. Ça va de l'accueil de l'invité, des invités, ce qui se passe après. Généralement, on fait une bouffe, on discute un petit peu, etc. Enfin, ça, c'est vraiment intéressant. On crée du lien. Il y a beaucoup de préparation avant. Ça, bah plutôt, ouais. Vas-y, explique. On se voit. On s'envoie des questions, on se met d'accord sur sur le comment dire le ton qu'on va prendre sur les questions qu'on va poser, etc. Et puis au début, on est parti sur quand on s'est réunis pour parler du projet la première fois, on était parti sur une liste d'invités. qui nous tenait à cœur de recevoir, en fait. Et une fois qu'on était tombé d'accord, qu'on avait pris contact avec les personnes, que les deals étaient passés, on s'est réunis. Il y a aussi une troisième personne qui fait partie de Colloquium, qui est moins présente, mais qui nous file un coup de main, justement, sur la rédaction des questions. Et voilà, une fois que ça s'est mis en place, on peut lancer le truc, quoi. D'accord. Ouais. Et donc, pour vous, c'est important de rédiger des questions. À partir du moment où on était parti du constat de base où c'était des personnes qui généralement étaient impliquées dans des choses, que ce soit des artistes. D'ailleurs, des on n'a pas encore dit de qui il s'agit, mais il y a quand même déjà eu du beau monde. On est à 13 interviews. On a 13 interviews, ouais. Mmh. Interviews. Et puis, il fallait c'est prendre l'aide d'Acouphène. Du beau monde. mais ouais, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, mais il n'y a pas de souci, quoi. Je sais même plus de sur quoi j'étais. Il y avait une liste bien préétablie de gens qui étaient actifs dans la scène. Et, ouais, voilà, donc l'idée c'était aussi de donner la parole à des personnes qui l'ont pas forcément tout le temps. Mm. Et l'idée principale, c'est que on voulait que ça soit un temps qui soit pas coupé, en fait. Tu vois, que les gens puissent vraiment développer, qu'il n'y ait pas de cut, etc. Enfin, vraiment. Ah, ça arrivait deux fois qu'une personne devait aller aux toilettes, par exemple, on a coupé à ce moment-là. Mais généralement. Mais généralement, l'idée, c'est vraiment de ne pas couper, que ça soit du full tout le temps, quoi. Donc. Voilà, ça crée de l'échange. Et d'ailleurs, vous coupez pas du tout. Hein. Là, je me suis retapé quelques interviews là cet après-midi, dont celle de Didier Super, ouais, qui est quand même quelqu'un qui compte dans la scène. qui est chez eux, qui est chez voilà. eux. Mais oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Bah, ouais. Il dit une paire de fois des grosses conneries en disant « Ouais, après, ça va être tout coupé au montage. » Mais bon, Non. On sent bien qu'il a la certitude que ça ne sera pas coupé au montage. C'est pour ça qu'il en profite, l'enfoiré. C'était l'interview la plus stressante pour moi. Parce que c'est une personne que je connaissais pas à la base, que c'est Choc qui le connaissait déjà. Hein. Moi, c'est quelqu'un que mon premier concert en fait quand j'étais jeune, c'était la Disco Mobile, avant même qu'il sorte son premier album et qu'il explose à ce niveau-là. Et j'étais un peu en stress hein, quand tu regardes. C'était au marché, non? Non, c'était à l'Interlude à Douai, quoi, dans un vieux café concert. Hein, ça avait tout pété, quoi. Mais bref, quand tu vois un petit peu son image dans les médias, l'idée c'était quand même de réussir à avoir l'artiste et pas le personnage, quoi. Moi, j'avais peur de me retrouver face à un gars qui dit des conneries pendant une heure et demie, c'était pas l'idée du truc. Et franchement, on a eu des retours vraiment positifs par rapport au fait que, malgré les grands médias qu'il a pu faire où il se fout littéralement de la gueule des trucs, là il s'est livré quand même par rapport à sa vision, par rapport à son vécu, par rapport à plein de choses. Mais il le dit d'ailleurs. Ouais, on a interviewé Olivier. Ouais. L'idée c'était d'avoir Olivier et pas Didier Super. Et à un moment il dit que de toute façon plus le média est gros et plus ça reste superficiel. Par contre, quand il est chez des médias de bouseux et il vous désigne, oui, je pense, oui, ça, c'est sûr. Là ça va, on peut creuser. Donc, il dit que c'est pour ça qu'ici on creuse. Ouais. Et à un moment, même au début de l'interview, il dit clairement, j'espère qu'on va pouvoir parler avec l'artiste et pas avec le personnage. Il fait ça dépendra du niveau de tes questions. Ouais. Au moyen cache. Ça te met bien, ouais, ouais, rassuré. Ouais. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais, justement, sur le fait de préparer des questions. Ça nous semble important, en fait, justement, comment on se renseigne sur le parcours de l'invité, que ça soit musical, artistique, que ça soit au niveau, tu sais, de ses implications politiques, son militantisme, etc. Je pense que c'est important de se renseigner sur la personne et de lui poser des questions qui sont en lien avec son parcours, ses sensibilités, et puis voilà, quoi. Oui, vous le faites bien. Enfin, franchement, c'est... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais. C'est pas pour passer la bosse à reluire, mais moi, ça m'a... j'ai pas regardé les 13 épisodes, mais toutes celles que j'ai regardées et écoutées, franchement, je suis même revenu dessus parce que je voulais bien réécouter pour capter, parce que bon, c'est dense et voilà quoi, il y a de la matière. Ouais. Et on n'a pas ça même dans des interviews, dans des zines, c'est rare d'en avoir autant, quoi. Ça c'est clair. Vous avez déjà pensé à faire des transcriptions à l'écrit? Non, l'idée c'était déjà de mettre des sous-titres. Pour donner accès aux personnes malentendantes, quoi, sur des malentendantes, quoi. C'est déjà compliqué, hein, parce que je sais que maintenant il y a des IA qui peuvent le faire, etc. Mais retranscrire en écrit, non, ça va être chaud, quoi. En 13 interviews, on va sortir un bouquin, là, donc. Mais ouais, c'est ça le truc. Ouais. On va pouvoir couper, là, il est déjà 20h16, vous êtes à l'écoute de Radio Campus, émission Pyongyang City Rockers numéro 283, avec aujourd'hui nos invités, colloquium.rec, c'est ça, hein, c'est ça, voilà. Colloquium, entretien en latin, entretien. Le seul mot que j'ai cherché en latin. Allez, au moins ça sert encore à quelque chose. Et du coup ça se trouve que sur YouTube? Ouais, et on avait fait des podcasts audio, hein, ouais. Mais je ne suis pas sûr si on a continué, je crois pas. On avait mis un podcast audio pendant un moment sur... Ouais. Sur Apple. Non. Bah, sur DistroKid, là, ça diffuse un peu sur tout, mais on a lâché un peu l'affaire. J'avoue que ça pourrait être un truc cool aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent pas forcément. Ils nous disent qu'ils écoutent l'interview en chillant chez eux ou en faisant leur truc, quoi, tu vois. Et c'est vrai que ça pourrait être un bon truc à développer, exporter l'audio et puis claquer ça en podcast, quoi. Ou faire des épisodes. Enfin, prendre une interview de 1h30 puis faire 6 épisodes de une série de 6 fois. Ouais, j'avoue que ça qu'on y a jamais pensé, ouais. tu veux encore des idées? On en parle hors antenne, pour l'instant on va passer de la musique. T'avais pas assez de travail. Qu'est-ce que tu veux passer? Bah, Choc, t'as pris quoi, camarade? J'ai pris pas mal de trucs, trop sûrement. Diablo Swing Orchestra, je sais pas si vous connaissez. Non. Et c'est quoi le titre? Le titre? Ouais. Ah, merde. Non, j'ai pas ça. Je sais plus comment ça se met. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais tous les prendre. Je vais les ça doit être noté, non? Ah, il y a des flaques et tout, là. Ouais. Ça c'est chaud. Ils sont pas tagués. Hein, alors voilà, tu vois, c'est le premier qui tombe juste après Pigalle. Tac, Knuckle Hugs. Voilà, merci. Et ça cause de quoi? Ah bah alors là, c'est surtout la musique qui m'intéresse, on va dire. De quoi ça cause, si vous savez me dire, c'est cool, ça m'intéresse. Le choix de Choc, Knuckle Hugs par Diablo Swing Orchestra. Ah oui, voilà. Alors, putain, franchement, moi, je suis étonné, quoi. Ce Diablo Swing Orchestra, c'est quoi? C'est qui? Je crois que c'est un groupe suédois. Ouais. Et c'est pas du tout... Enfin, c'est pas du métal, quoi. Non. Mais en fait, je t'explique, Sean. Ouais. C'est ton choix, hein, ce Diablo. C'est pas mal. mais moi, dans ma tête, au départ, j'étais parti sur Colloquium, un truc qui était plutôt... qui sortait du milieu métal. On va dire comme ça, quoi. Non, pas forcément. Et puis en plus, dans tous les potes qu'on connaît, qui font de la musique extrême, etc. Par exemple, à l'MDA, ils sont venus enregistrer à la maison. Et le soir, on écoutait du jazz, on écoutait plein de trucs. Et ils avaient plein de références. Mm. Et c'est pas forcément que du grain ou du métal ou du bourrin, quoi. En fait, ce qu'il faut savoir, ce qui est important de savoir, je pense, pour comprendre un peu la situation, c'est que Shogemo, c'est une rencontre qui a été incroyable, une amitié qui s'est créée sur le champ quasiment, hein, avec une un enrichissement qu'on s'est apporté l'un l'autre en fait, que ça soit humain ou musical, et on en est arrivé justement à monter un groupe de musique ensemble. À la base c'était ça, hein, qui s'appelle Atoms Collision. On fait une sorte de power rock instrumental qui a rien à voir avec la musique extrême, tu sais, le punk ou tout ce que tu veux, quoi. C'est plus un truc rock. Avec Gomo, quoi. Ouais, pas comme mais justement il m'a apporté justement un travail à la batterie, une vision des choses à travailler sur mon instrument que j'aurais jamais même pu imaginer en fait, tu vois. Et donc et petit à petit comme ça, voilà, on a eu plein de projets ensemble, quoi, organiser des concerts chez lui dans le local de répète en plein confinement, enfin et ce projet Colloquium. D'accord. Et donc, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Shog est un des plus grands fans de Prince, je pense, de l'univers. D'ailleurs, j'ai cru remarquer que vers dans les trucs dans les MP3 qui m'a refilé, il y en a un de Prince. Ouais. Ah, ça m'étonne pas. Premier album. Ah bah non, pas celui-là. Ah, pas le premier album. Non, les morceaux sont trop longs. Ah bah oui. Bah, allez, j'ai fait attention à ça. Ouais, c'est vrai que j'avais quand même donné des instructions précises. Oui. Hein. Chacun 12 minutes. On pourra pas passer les 12 minutes chacun. Parce que là, vu comment on est parti à discuter, ça va être compliqué. Et donc, ouais, je reviens à cette histoire dans ma petite tête naïve. Je partais sur un a priori métal, musique extrême. En fait, c'est pas que ça. Et ça explique aussi le choix des assez diversifié dans Colloquium des gens que vous interviewez, quoi. Il n'y a pas que des gens qui sont en musique extrême. Ah, il y non, en a. Non, mais il y a même des gens qui ne sont pas que en musique ou qui ne sont plus en musique. Ouais. Je pense par exemple à Lucie Bambayan ou à Noon qui ont fait de la musique par avant, mais qui maintenant travaillent beaucoup plus sur un aspect artistique, plasticienne ou la broderie, du tatou, etc. Lithographie aussi. Pareil Anto qui s'est venu à la musique. Alors je connais pas tout son parcours, mais pour moi il est venu de ce que j'en connais, il est venu à la musique après sur que le je tard, l'ai ouais. connu ouais, ouais. et d'abord sur l'art graphique, le tatou et compagnie. Et d'où ça vient en fait aussi toute cette richesse là et cette envie de travailler. Rencontrer d'autres personnes autres que la musique, parce que de ce que je vous connais aussi, toi je crois que je ne te connais pas, mais Mathieu, moi c'est pareil, j'ai une vision où tu fais du son, tu fais de la musique et enfin bref, pourquoi ça reste mon activité principale, la musique, ouais. Ça reste organiser des concerts, faire des concerts, bouger en concert, faire des tournées. On s'est mis à enregistrer des groupes aussi, hein. On a développé quelques compétences, on s'est un peu équipé, ça fait plaisir, parce qu'on a pu bosser avec des gens qu'on apprécie beaucoup et qui sont très contents du résultat. Donc j'ai toujours kiffé la musique, hein, depuis très longtemps. J'ai commencé sur le tard mon instrument, mais je suis revenu dans la scène sur l'île il y a 7 ans avec un groupe qui s'appelait Stupid Karaté et j'ai redécouvert un monde parce que j'étais dans la scène métal pendant quelques années où je me suis complètement perdu et tout. Et en revenant dans la scène punk, en redécouvrant un peu la scène lilloise, la solidarité, ça m'a vraiment motivé. Et organiser des concerts, j'ai mon micro-label, j'essaie d'aider un peu au niveau des releases. Donc ouais, la Zix, Manga Records. Quand même. Ouais, Manga Records, ouais. D'ailleurs, il y a le nouveau Montagne qui sort là et c'est une tuerie. J'invite les gens s'ils connaissent pas jeter un coup d'œil dessus. Ouais, tu les as fait jouer. Il n'y a pas longtemps au Seychelles. Ouais, j'étais bien content. C'était bien cool. Enfin voilà, donc ouais, la musique et puis voilà. Du coup, le choix des invités qui sont pas forcément dans la musique. Bah, c'est des potes. Okay. C'est des gens qu'on aime, des gens qu'on apprécie. Et là, ça commence tout doucement. Enfin, je sais pas si vous voulez qu'on en parle un petit peu, mais on est quand même sur. La prochaine invitée, quelque chose qui n'a rien à voir avec la musique. On va rentrer quand même plus dans des vrais militants, parce qu'on a donné beaucoup la parole à des personnes musiciennes, engagées, mais on se rend compte qu'à un moment, la musique a ses limites, en fait. Hein. Tu peux revendiquer, tu peux militer à travers la musique, mais il y a des personnes sur le terrain qui font vraiment des trucs de fous, qui subissent des trucs de fous, et on aimerait inviter une personne, on en discutera si vous voudrez. Mais, La prochaine invitée, on parler maintenant. Et bah c'est pas un secret. Alors c'est une personne qu'on a découverte grâce à Shog, enfin non pas grâce à Shog, excuse-moi, c'est grâce à Stouff. Stouff, le batteur d'Insane Order, qui a investi dans une asso qui s'appelle Migraction, qui accueille en fait, qui propose des séjours de rupture et de repos pour des personnes migrantes à Calais. Et la présidente de cette association s'appelle Sophie Gigot. Elle est prof de philo, d'accord. Et elle a subi des attaques de l'extrême droite hyper virulente. Elle a eu droit à un tweet de Zemmour, menace de mort. Et elle avait même été attaquée par le Front National sous prétexte qu'elle avait organisé justement une visite dans les camps en fait avec ses élèves. Hein, parce que voilà, donc l'idée c'était de la recevoir pour qu'elle puisse parler un petit peu de son parcours, de son engagement, quoi. Mais pour l'instant, elle est un peu quand elle sera prête. Quand elle sera prête, ouais. Ouais, parce qu'elle a bien douillé. D'ailleurs, on la soutient du fond du cœur, quoi. Mais ouais. Donc l'idée c'est d'ouvrir un petit peu maintenant, on continuera à inviter des musiciens, des musiciennes, mais d'ouvrir un petit peu des personnes militantes. Stéphane a un contact avec un ancien de la CGT bien vénère, donc ça va être cool aussi. Et enfin voilà, c'est un peu le... Il y a des gens qui vous demandent maintenant est-ce qu'on peut être en train de m'épargner. Ouais, c'est marrant parce que c'est des personnes qui n'ont absolument rien compris. Je reçois énormément de mails de tourneurs, de groupes, de Discord, de merde, qui veulent venir faire leur promo sur Colloquium. Magnifique. Donc je me fais un plaisir de les laisser en vue. Tu vois, c'est marrant ce que tu dis parce que un des trucs que je me suis re-regardé là, parce que j'avais déjà regardé, écouté une première fois, c'est Nico Bones Brigade. Ouais. Et lui il dit la même chose de pas mal de groupes en fait. Il dit que bon, il y a quand même pas mal de trucs, c'est des repompages. Son interview est très intéressante. Et lui par exemple, c'est un gars qui est dans la musique, il n'y a aucun problème, ça fait 25 ans qu'il est là-dedans. Enfin, au moins avec. Et c'est quand même un militant. Quand tu l'écoutes parler, quand tu l'écoutes expliquer comment il fait ses trucs, comment il choisit toutes ses actions. Même ses tarifs, ses concessions. Ce gars-là, tout ce qu'il fait, c'est militant. Quoi. Ouais, voilà. Ouais. Alors que, il n'y a pas une étiquette, il ne te fait pas du bourrage de crâne. D'ailleurs, il le dit, il n'a pas envie d'être chiant, mais en même temps, c'est bon, quoi, le mec, respect, il y a un niveau. Quoi. Ouais, mais le mec, il a eu une exposition internationale, donc c'est normal à un moment de... respecter mais c'est, faire comprendre ses propres... Je voulais rebondir sur le fait que les militants, le militantisme avec la musique, ça a ses limites. On l'a vu pendant le confinement, en fait. Ce qui était intéressant, on en avait parlé avec Mika, la scène punk, tu vois, les anarchos, etc., pendant le confinement, en fait, ils étaient pas là, quoi. Ouais, exact. Tu vois, et c'est Shog à Orbancourt qui a organisé un concert dans son jardin, tu vois, on s'était quand même renseigné parce que c'était au moment où c'était bien chaud. On était 130 dans son jardin à faire un concert avec des groupes de grind, et puis on avait même appelé la maison des avocats à Lille, savoir si les flics pouvaient rentrer dans ton domicile, si vraiment ils venaient toquer à la porte, parce qu'on avait peur de se faire balancer. T'as aussi un de ses potes qui habitait, il habitait où alors on a fait le Zours. Ah oui, dans l'Aisne. Ouais, dans l'Aisne. Ouais. Dans Vendouille. D'ailleurs, il y avait les astéroïdes qui étaient là et tout. On avait fait Jodie Foster et tout. C'est pareil, en plein confinement, c'était bien cool, quoi. Et j'en avais parlé un peu avec Mika en disant putain, on les voit pas trop. Il y avait rien qui s'organisait, même sur l'île. Après, je peux comprendre que ça soit plus compliqué d'organiser sur l'île, tu vois, parce que. Peut-être. Mais voilà, l'idée c'était aussi un peu de questionner un peu. Le discours de chacun, et puis... Il y a eu des trucs qui se sont faits sur l'île, mais c'était plus des trucs de... autour du ravitaillement, etc. Ouais, quoi, mais ça concernait une petite frange de gens, quoi. Ouais. Et après, en effet, il y a ceux qui voulaient se bouger. Nous, c'est pareil, on a organisé... Par exemple, on a essayé de continuer l'émission avec les moyens du bord, tu sais. Heureusement qu'il y a les moyens Internet et tout ça. Mais c'est pas forcément évident non plus, quoi. C'est clair. Mais bon, voilà. Donc là, vous allez encore plus ouvrir que ce que c'était ouvert jusqu'à présent. Mais c'est bien ça. Et donc votre prochain numéro, c'est quoi? C'est ce que je viens de te dire normalement. Donc il faut attendre encore, parce que là c'est le dernier, la LMDA, c'est déjà sorti il y a un bon mois, je dirais. On était parti sur une récurrence de tous les. On en a sorti une fois par mois, on a été chaud, on a sorti deux en un mois, mais on avait que ça à faire, tu vois. On était au taquet. Là maintenant, on a fait aussi un peu toutes les personnes dans le coin justement qu'on voulait recevoir. On veut pas non plus tomber dans un truc, tu vois, on veut essayer de proposer les gens qu'on a envie de recevoir, et puis donc on va prendre un peu plus de temps, quoi. Moi, justement, tu dis, on a fait un peu le tour des gens du coin. Je me posais la question du est-ce que Colloquium, ça pourrait être aussi avec des invités internationaux? Vu que je sais que toi, tu voyages pas mal. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas des gens ailleurs qu'en France dont tu trouves le témoignage, extra intéressante, et que le jour où ils seront dans le coin. Mais c'est prévu. C'est prévu d'avoir autre chose que du local ou du francophone. Ouais. Sauf que, parce que j'ai vraiment un niveau d'anglais. Enfin, ça va au niveau de l'anglais, mais ma prononciation et c'est une catastrophe, quoi. Donc, On peut rajouter une personne à Belgium qui parle très bien. Hein. Après, trouver des gens, c'est pas ça le problème. Ça prend aussi énormément de temps. On fait beaucoup de choses, donc après c'est vrai que les fréquences, le boulot qu'il y a derrière, c'est juste de savoir s'il allait avoir autre chose que du local. On aimerait bien du francophone. On passe un morceau. Il y a le singe qui fait des signes. Il est déjà il n'écoute pas. Il est 20h31 l'antenne de Campus 106,6. C'est Pion Gangsty Rockers. Vous écoutez l'interview de Shog et Matt de Mathieu. Tu vas nous mettre en colère. De Colloquium.rec. Mathieu, tu nous as choisi quoi comme musique? Écoute, on va passer quelque chose de plus court du coup. De toute façon, ça pouvait pas dépasser les 30 secondes. Il y a les potes de Marteau qui viennent de sortir leur première EP. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'on a enregistré avec Shog. On a fait toutes les prises et tout, quoi. Donc, ça s'appelle L'Attention. Et l'EP va être sortir. Marteau. Marteau. Et pour ceux que ça intéresse, ils jouent vendredi au Pits à Courtrai avec False et Hill, et ça va défoncer. Ouais, donc n'hésitez pas à y aller. Concert. on avait commencé à parler, à effleurer quelques aspects techniques. Vous dites que ça prend du temps, etc. Un numéro de Colloquium, ça vous bouffe combien de temps? Allez. Bon, ça va. En jour homme, comme on dit dans les entreprises. Combien on pourrait dire? 2 jours? Ouais, 2 jours. Allez. Seulement? Ouais. Bah, on pourrait en faire un par semaine alors. Ouais, mais ce qui est, c'est qu'on fait plein de trucs à côté. Ouais, ouais. Mathieu a 2 groupes, avant il y en avait même plus que ça. Ouais. Moi j'ai 2 groupes aussi. Donc le boulot. La famille. Vous avez du matériel hyper sophistiqué pour arriver à une réalisation d'une telle qualité? Et je brosse. Hein. Oh, papa. Non, mais c'est vrai qu'il y a un spécial, je pose la question. Il y a une homogénéité sur tous les épisodes. Enfin, c'est... Alors, l'aspect technique est géré par Shoggy, que je laisse. Excellent. Deux caméras Sony. Je sais pas si on peut parler des marques, mais voilà. Si, c'est un campus. Ouais. Et puis un PC portable avec Cubase, de bons micros, un comme vous ici, un Shure pour Mathieu, et une prise de son de micro perche là, voilà, pour les invités. Je préfère au micro cravate. Pour la qualité, pour tout ça, puis ça évite quand ils se grattent que ça fasse des sons un peu parasites, un peu disgracieux, parasites, ça laisse un peu plus libre. Il y en a qui ont la bougeotte, Et puis après le montage vidéo sur deux points de vue caméra, bon, ça va très vite. Hein. Ouais. Je sais pas, moi j'y connais rien pour un montage vidéo. Audio, je veux bien, mais ouais. Non, bah là pour un truc comme ça, c'est assez rapide. Hein, on le fait, et le lendemain, moi le dimanche, je m'occupe du montage, et puis dimanche soir, ça y est, c'est dans la boîte. C'est dans la boîte, ouais. Ah ok. Ouais, ça va vite, ouais. On aime bien aller vite, ouais. Et comment vous avez ce rendu magnifique de fond noir, là? C'est juste une draperie dans une pièce où il n'y a pas de fenêtre ou quoi? Bah, y a des fenêtres, mais on ferme les volets. En fait, c'est dans mon salon. C'est dans mon salon. Eh ouais. C'est le canapé de Chog. Voilà. Apparemment, il y a déjà des bruits sur ouais, ils ont un studio spécial ou je sais pas quoi, ou ils sont dans une cave. Non. C'est un pendrillon qui est sur le mur, fixé sur le mur avec le canapé de rappeur noir. Et puis et tout est installé en permanence, en fait. On s'installe très vite, en fait. Ouais. Le salon, il reste comme ça. D'accord. Ah ouais, donc vous chopez quelqu'un dans la rue qui vous intéresse. Tiens, toi, tu vas venir ici, puis tu vas nous faire tout une heure et demie. Là, bonjour. Comment tu t'appelles? On peut improviser ça très vite. Il y a déjà des invités qui ont refusé de vous parler ou pas? Non. Pour l'instant, j'ai pas faute. Le souvenir, en tout cas. Il y a des invités où, alors, sans forcément citer de nom, vous avez été déçu finalement de l'interview? Non, pas du tout. Non. Au contraire. Vous pouvez le dire. Hein. Il y a très peu de gens qui écoutent Pure Yankee Rockers, tu sais. Non, au contraire. Hein. Non, à chaque fois, c'est une belle expérience. Et les gens sont contents aussi. Et puis après, on mange un morceau. Ça crée du lien. Ça permet de se connaître davantage et tout. Enfin, ça permet aux gens. C'est intéressant comme expérience. Et il leur faut du temps pour se mettre à l'aise. Alors, certains plus que d'autres, pour en parler, par exemple, ça a été compliqué, par exemple, pour Noon, qu'on connaît tous et qu'on adore. Le fait de se livrer, elle était un peu mal à l'aise. En fait, on sentait qu'elle avait eu du mal à. Ça a été un peu compliqué pour elle à gérer parce que c'était aussi la première fois peut-être qu'elle se livrait. Et puis c'est quelqu'un d'assez réservé aussi. Ouais, mais il faut voir. En fait, les gens, je sais pas, il y a des gens qui lâchent du perso quand même, quoi, tu vois, qui lâchent du vécu et tout, quoi. Donc ça reste assez intense comme moment, des moments au niveau émotionnel, quoi. Et ça a peut-être été un peu dur pour Noon, mais sinon, franchement, ça se passe bien, quoi. Après, il y a l'éclairage, un peu l'ambiance au studio, t'as deux caméras en face de toi, c'est... Le contexte est assez, peut être perturbant, en fait. C'est vrai que quand t'arrives dans le machin, t'as de la lumière partout, d'un coup tout s'éteint, t'as les spots qui se mettent en route, t'as les deux caméras, bim, t'as le gars en face de toi qui va te poser des questions, qui prépare. Moi, je le ferai pas. Le moment de vérité. Ouais. Donc ça peut mettre un coup de pression quand même, j'imagine. En tout cas, c'est ce que les invités nous renvoient, quoi. Ouais, ça se voit de façon... au début, c'est toujours un petit peu tendu, puis après, ça se détend, ça se délie à peu près à chaque fois. Enfin, sauf avec les vieux routiers, genre, il dit super, bon, lui, ça va, quoi. Dès le départ, c'est lui qui mène. Il est rompu à l'exercice. Vous aurez d'autres personnes de cette stature là, parce qu'il est quand même connu nationalement, voire internationalement maintenant. J'ai un contact avec, c'était quoi le batteur de Deep in Eight et de Dagoba, je sais plus, Bastos peut-être qui pourrait. Un batteur professionnel, un pédagogue qui fait aussi des interventions dans les écoles et qui a connu le niveau professionnel, on va dire, au niveau de l'instrument. Ça peut être intéressant, mais après en contact avec des artistes de la stature de DJ Super, non, pas vraiment, quoi. On verra. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est important avec Colloquium, c'est qu'on ne fait absolument aucune promotion. Ouais. Les vidéos sont lâchées sur le net, elles vivent comme elles vivent, tu vois. Enfin, on va pas sponsoriser une publication, on a juste une page Facebook, un groupe sur Facebook. Vous n'allez pas aller à l'aéro ou à la gare Sanso ou à machin en disant, Colloquium, regardez. Ouais, voilà, non, vous faites pas des stickers. Hein. Non. Avec l'adresse en entier, l'adresse YouTube. Des gros teasing, attention, gros concours, gros teasing. Enfin, bon. Non, mais l'idée, c'est que la vidéo fasse son chemin et qu'elle touche les gens qu'elle doit toucher, et puis que ça tourne. Il y a un truc qui est super intéressant et qui m'a fait débloquer. Par exemple, on a joué à Nancy la semaine dernière avec Gumo, d'accord. Après le concert, t'as des jeunes, genre 17-18 ans, qui viennent me parler en me disant, putain, c'est toi qui fais Colloquium, tu joues dans Gumo, tu fais Colloquium. Mais t'es des gars de 17 ans qui te disent ça. Ouais, c'est trop bien et tout. Bah. Ouais. Alors qu'il n'y a pas de promo et tout, ils ont découvert Colloquium, ils ont vu toutes les interviews, ils ont trop kiffé. Et généralement, les personnes qui découvrent soit en voyant des interviews de personnes qui connaissaient ou connaissaient un petit peu ou qui découvrent du coup d'autres personnes, en fait. On a vraiment des retours cool, hein. Ouais, ça fait super plaisir, c'est chouette. Vous avez des statistiques de visites de votre chaîne YouTube? On la regarde pas. Là, automatiquement, l'interview d'Idée Super, elle a popé pas mal, quoi. Ouais. Elle a pas mal tourné, et c'est vrai que c'est celle qui a le plus de vues, entre guillemets, quoi, parce que elle a, même au niveau commentaire et tout, mais les retours sont cool, quoi. Donc, voilà. Bien. Ouais. mais vous avez pas, vous avez pas un truc de communication professionnelle derrière. Non, non, professionnel. Vous n'avez pas de community manager. J'ai relevé quand même un truc, c'est que maintenant il y a un compte Instagram. Enfin, oui. D'ailleurs, je sais pas s'il est vivant ou pas. Non, j'ai créé. Puis... il y a trois photos et la dernière date de 2021. Ouais, voilà. C'est vivant. Tu vois le niveau du community manager. Bah ouais, et puis après sinon il y a une petite présence Facebook pour quand même pour annoncer quoi. Ouais, quand il y a un épisode, on essaie de balancer sur Facebook et puis on relaie sur nos comptes perso, mais maintenant c'est has-been Facebook, hein, pour les... on est des vieux, hein, donc on est toujours TikTok vieux quelqu'un. Ah maintenant ouais, faut être sur TikTok. En même temps, vous avez le format vidéo pour TikTok. Ouais, ouais, mais je pense pas qu'une heure trente. Non, mais tu peux faire un petit montage, un petit teaser, tu vois, ça pourrait marcher. C'est pas trop l'idée. Non, j'aime pas les micro-cuts à fond. Ouais. Les trucs qu'il faut, ça évite tout ça, c'est pas... C'est chiant, hein, c'est plus long à monter en plus, ouais, ouais, hein, tu vois, en plus. Mais, faut se ménager plus, un peu ou alors enregistrer vous-même quelque chose pour présenter ouais, on pourrait ça, et renvoyer les gens sur YouTube après. On passe de la musique. Allez, oh, oui. Allez, il va être 42 là, putain les mecs, c'est pas possible. 42 Mufiteux. Ah non, c'est pas ça. Non. Shog, c'est à toi, parce que chacun son tour. Hein. Puis là, je pense que vous allez arriver à passer deux titres chacun, ça sera déjà pas mal. Cool. Peut-être un peu plus, mais ça m'étonnerait. Allez, dis-moi. All Swings for Sale. Pardon? Ouais, bah oui. Merci, ah oui, merci bien. Ok, ça va, j'ai trouvé. J'ai mis tout mon effort là. Ouais. Essayer de faire quelque chose d'à peu près correct. T'inquiète, on n'aurait pas fait mieux. Je pense que t'es le premier de nos invités qui nous ramène de la musique en format FLAC. Ah. T'es un puriste du son. J'aime bien. Cabasse. Ah oui, putain. Ah, c'est lui qui a une chaîne IFI à 50 000 euros dans son salon. Je suis pas au courant alors. Et alors, ce Old Friends for Sale, c'est quoi? C'est Prince. Ah, mon Dieu. Eh oui. C'est vrai. Eh oui. Bon, bah, Prince, alors. Vous me direz ce que vous en pensez. 3.34. Une fois qu'on aura écouté, tiens. D'accord, on va pouvoir faire un petit débriefing. Ouais. Pour l'instant, voici sur Pyongyang City Rockers, numéro 283, Prince. Set in the west is morning. I know, LA is calling. Bad news, DC. People are talking. They say your kingdom is falling. They say you lost your fight. Another musician you hire little do they know you win a past goal unless they could take you higher. Sunset in my heart this afternoon, but two friends of mine got stuck in the snow. In a town when winter's alarming, cocaine becomes charming, but you talk about things you don't know. I know, no matter how pleasant your past was, green and white will turn to blue. You're happy as long as your last buzz. My mind this evening, but somebody said they would die for me. They sold some old pictures and all my little memories. Chump change is to unravel the mystery. But life is no fun. Life is no fun without fantasy. Some things are better left unsaid. Some people are better left untrusted. when I'm dead, when I'm dead. C'est pas du punk. Mais c'était beau. Ouais. Ah, c'était ouais. Très beau. Non mais 30 secondes avant la fin, tu sais déjà que ça va être la fin, mais tu le laisses couler. C'est ça qui est beau. Ouais. C'est ça que tu voulais m'entendre dire. Ouais, entre autres. Ouais, ouais. Non, mais moi c'est pas du tout mon style de musique. Hein. J'aime bien les trucs énervés, même si même les trucs énervés, c'est pas punk. Hein. Ouais, j'aime bien que ça soit rapide. Mais là quand même, ouais, ça s'écoute. On s'écoute, on se l'écoute. Ouais, moi ça fait partie des trucs que j'aime bien parce que j'écoute pas que des trucs énervés aussi et j'aime bien le travail des voix parce que voilà, c'est mon instrument de prédilection aussi et Prince c'est quand même un putain de chanteur. Et j'aime bien parce que là en plus au cas j'entendais des espèces de petites choses qui pourraient paraître anodines voire imperceptibles et qui étaient genre oh ça c'est beau ça et du coup je pense que je vais te demander conseil et plaisir tu peux carrément moi carrément initié aux musiciens et aux personnages quoi c'est vraiment et puis quand tu vois les musiciens qui jouent avec lui non c'est quelque chose Prince quand tu t'intéresses de près mais c'est des trucs de musique. Moi qui suis pas musicien, ça va pas me toucher. Et le pire, c'est un vrai quoi, passionné par-dessus tout. Quoi. Quand tu regardes bien, il n'y a pas beaucoup de mecs qui sont arrivés à son niveau qui restaient après un concert à faire des after-concerts toute la nuit, trouver des studios partout pour toujours produire. Enfin bref, on va pas faire la bulle de Prince. Il est hyper prolifique. Il était. On a tous une espèce de courbe en cloche comme ça. Le truc, c'est ce qu'il faut faire le plus longtemps possible. Voilà. Vous savez qu'il est déjà 20h48 passé. Déjà aïe, il n'y a plus que 12 minutes. On va encore peut-être essayer de passer un morceau de musique, je ne sais pas. Rappelons à nos auditrices aux éteurs que c'est l'équipe, une partie de l'équipe de Colloquium qui est là ce soir. Colloquium.rec, la chaîne d'interview sur YouTube. Vous avez pas une adresse en propre. Comment ça marche les adresses sur YouTube? On peut pas. Enfin, tu sais, c'est comme sur Facebook, quand on crée une page, après on peut mettre une adresse propre. On peut pas faire ça sur YouTube. C'est quoi une adresse propre? Ouais. C'est-à-dire une adresse compréhensible. C'est forcément une. Bref, vous cherchez Colloquium. C'est Colloquium. C'est ça. .rec parce qu'il y en a d'autres Colloquium et même des trucs religieux. Ouais. C'est pas religieux votre truc. Non, pas encore. ça sera la deuxième partie de votre plan machiavélique. Des membres clergés et tout. Dans la saison 2 qui a déjà commencé, on va avoir des petites. Là c'est déjà la saison 3 en fait. En saison 1 et 2, vous avez interviewé plein de monde. Donc, on est dans la saison 2. C'est la saison 2 là en ce moment. Il y a eu deux épisodes de la saison 2. C'est ça. Exactement, Audrey. Vous avez commencé en fin 2020 ou début 2021. Ça dépend comment on le voit. Je sais pas, c'était quand le confinement. Je sais plus. J'ai noté que votre chaîne, elle a été créée le 1er décembre 2020. Il y a deux ans. Ah non, mais je vais chercher les informations. C'est pointu. Et l'Instagram est de 2021, du coup, ce qui est logique, parce que tu as eu le nouvel an entre les deux, tout ça. 13 épisodes avec pas que des musiciens, donc des gens de haute stature. Toutes les personnes sont de haute stature sur l'émission, sont de très bonnes personnes qu'on apprécie. Voilà. Donc la prochaine, on ne sait pas encore quand est-ce qu'elle va sortir, mais bon, c'est... Et est-ce que éventuellement il y en aura une avant, celle qui est... Ça se pourrait, oui. C'est possible, bien sûr. Ouais. ça viendra. L'idée qu'on avait à la base et qu'on n'a pas forcément réussi à tenir, ça serait d'avoir une forme de parité quand même, avoir accès, offrir la parole à plus de femmes et plus de personnes non genrées. Là, parce qu'on a interviewé deux femmes, une personne non genrée et le reste c'est des mecs. Donc ce serait bien qu'on arrive à ouvrir davantage ouais, mais dans le milieu, on va rester en milieu musical, c'est quand même un truc qui est encore même... beaucoup plus mec que meuf. Il ouais. enfin, y en a. Et ouais. souvent dans l'ombre. Ouais, et souvent dans l'ombre, dans les orgas, dans les radios, dans Marie Riffiter, voilà. Typiquement c'est quelqu'un qu'on peut l'écouter, mais sinon point quoi. Voilà, elle est plus dans l'ombre que d'autres personnes. Quoi, ouais, tu la vois souvent sur la mère en concert aussi. Oui, ouais. Ouais, ça, peut-être un mauvais exemple de ma part. Mais ouais, t'as raison, en effet, souvent c'est les meufs de eux, c'est celles qui sont derrière en train de faire la bouffe, le catering pour les groupes qui sont des mecs. Oui, et puis même souvent, je pense qu'elles restent, elles s'auto-assignent ou alors, c'est un peu dans l'inconscient collectif, on reste entre guillemets à notre place, quoi, tu vois. C'est compliqué. Du coup, on voulait casser justement mais bon. Et donc, dans l'équipe de Colloquium aussi, bientôt, il y aura au moins une ou deux femmes. Avec plaisir, carrément. Avec plaisir. Ok. David, j'invite les gens qui connaissent pas à s'intéresser au podcast Evistérique. Là, pour le coup, c'est des meufs de la scène qui parlent, qui offrent la parole à des meufs et à des personnes racisées, en situation de handicap, etc. Et qui parlent de trucs qui peuvent énerver beaucoup. Ah oui, ils parlent de leur vision de la scène, des traumatismes qu'ils ont pu y vivre, etc. C'est vraiment intéressant. Et quand tu, il y a des trucs, tu les prends dans la gueule quand même. Tu dis j'avais pas capté. Enfin, moi en tant que mec, ça m'a fait un peu disjoncter des fois. En effet. Evistérique. Evistérique, ouais. Ok. On va se finir. Il nous reste 7 minutes 30. On va encore passer quelques morceaux de musique et puis on dira au revoir après. Mais pour l'instant, on va finir avec de la musique, des choses que vous avez choisies. Carrément. Mathieu. Ah, moi, je vais rester dans le délicat aussi. Bien sûr. Faites. J'aimerais bien, on n'a plus beaucoup de temps, j'aimerais bien passer Love et Etsy, s'il te plaît. Yes. Justement, on parlait de Nana dans la scène. Chanteuse, Etsy, trois musiciennes et un musicien dans le groupe, quoi. Ouais. D'ailleurs, on les fait jouer à Lille bientôt, le 14 avril, Etsy. Donc, ça va être cool. Tu m'enverras la date que je la mette sur Funk. Pardon? Au CCL? Non, à la Malterie. Ok. Et on fait aussi jouer Predator. Il y a une guitariste dans Predator, quoi. Donc c'est cool. Du gros trash de Nancy. D'accord. Ok. Bon. Le titre de Love, c'est. Alors attends, je l'ai. C'est du dernier album, hein, After the Rain, the Sun Come Out, et ça s'appelle Dark Circle. Pardon. Dark Circle. Et ensuite, c'est Human Garbage. Ouais, tiré de l'album Bad Bug. On se retrouve dans à peine 2 minutes 30. c'est déjà fini. Ah oh, oui, ça va plus vite que Prince. Ça n'arrête plus. Ça va plus vite que Prince. Ouais, on causait de groupe avec des filles dedans. Hein, ouais. Allez, encore des trucs. Là, il nous reste. Bon, je pense que là, on va pouvoir dire au revoir et puis finir avec un truc un petit peu plus long. Mm-hmm. Je sais pas. Parfait. Parfait. Comme vous voulez. et tu me dis quoi? Dis-moi quoi. Je crois que j'ai pris Cuco for Caca, je crois. Oui, tout à fait. Voilà. Oui, parce que je suis aussi un grand fan de Mike Patton aussi. Bon, bah d'accord, après tu vas sortir. Donc Face No More, voilà, pour vous finir. Bah, moi ça n'a jamais non plus été trop mon truc. Mais, moi je connais qu'un morceau de Face No More. Ah ouais. Ah ouais. Digging the Grave. Ouais, c'est vrai que c'est bien. C'était le morceau qui était ultra clippé quand j'étais chaud, mais après ça ouais, je connais rien. Pareil, moi je connais que ça aussi. Voilà, je vais le lancer parce que là... Ouais, ça roule. Voilà, ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Ouais, merci à vous. C'était chouette. Merci à vous. Et puis, tout le monde se retrouve sur YouTube pour regarder, écouter, réécouter, re-regarder tous les 13 épisodes et les autres qui viendront de colloquium.rec. Et vive la grève. Youpi. Ouais, le 7, n'oubliez pas. On se retrouve la semaine prochaine pour le numéro 284 de Pyongyang City Rockers. Et en attendant, on n'oublie pas... A cab forever, bisous.